Chapitre 10e. C'était une belle nuit étoilée. Pas un souffle de vent ne ridait les eaux de la petite baie. Ikoteruka, que ses liens très serrés faisaient atrocement souffrir, fut descendu au bout d'une corde dans un grand sampan à voile qui était accosté le long de la coque du Tongsi. On le déposa sous l'abri central. Presque aussitôt, des caisses furent arrimées à ses côtés. Il les reconnut. C'étaient les caissettes contenant l'argent de la banque Kitsui Danko. Ainsi, Ikoteruka les avait cherchées en vain, depuis des jours et des jours, et maintenant il les retrouvait, mais il était prisonnier. En quelques minutes, l'arrimage des caissettes fut terminé. Heng, flanqué de 4 Chinois armés de poignards et de revolvers, s'installa sur les caissettes, puis le sampan, sous l'effort de ses rameurs, s'éloigna lentement du Tongsi. Ikoteruka vit le grand Heng allumer sa minuscule pipe de bronze et fumer sans mot dire. Ses acolytes respectèrent son silence. Ikoteruka aurait payé cher pour savoir où on le menait. Mais, étendu comme il l'était au fond de l'embarcation dont le toit l'empêchait de voir le ciel, il ne pouvait même pas deviner la direction vers laquelle avançait le sampan. Le sampan vogua ainsi pendant de longues heures. Les rameurs, pour s'encourager, avaient entonné une monotone mélopée qu'ils répétaient sans se lasser. Ils se turent enfin, et peu après, une secousse agita le sampan qui s'immobilisa et se pencha légèrement sur le côté. Ikuteruka devina qu'il venait de s'échouer. Il ne se trompait pas. Tout aussitôt, Heng et ses hommes se dressèrent et commencèrent le débarquement des caissettes. Cette opération terminée, Ikoteruka fut lui-même saisi par 2 des Chinois, soulevé et jeté sur le sable comme un paquet. Il vit que le sampan s'était échoué sur une étroite grève dominée par une haute falaise à pic. Au large de la grève, il aperçut de nombreux îlots rocheux aux formes déchiquetées. Il n'eut pas le temps d'en voir plus, car on le souleva de nouveau. Les 2 célestes qui le tenaient, l'un par les épaules, l'autre par les pieds, rejoignirent un de leurs congénères qui brandissait une grosse torche de résine enflammée. Ce dernier, après avoir longé la grève pendant une 30aine de mètres, s'engagea dans une coupure du roc qui aboutissait à l'entrée d'un souterrain. Il s'y engouffra, suivi des célestes qui transportaient Ikoteruka. Le souterrain, 200 mètres plus loin, franchissait un précipice sur un étroit pont de lianes gardé par 4 gigantesques Chinois armés jusqu'aux dents. Ils laissèrent passer sans mot dire les nouveaux venus. Ikoteruka, qui observait tout, vit que la galerie tournait en quelque sorte sur elle-même. Par endroits, des colonnes de briques soutenaient la voûte qui, sans elle, se fût écroulée. L'homme à la torche s'arrêta soudain. Après un dernier coude, le souterrain se terminait en impasse. Un bloc de roc l'obstruait complètement. Mais le porteur de torche frappa 6 fois contre un petit gong suspendu à sa ceinture, et le roc pivota sans bruit sur lui-même, découvrant l'entrée d'une grande caverne haute de plus de 50 mètres. Des stalactites de cristal pendaient de la voûte et reflétaient la clarté des torches résineuses accrochées aux parois dans une sorte de niche creusée dans la pierre. Ikoteruka vit un trône de laque rouge flanqué de dragons d'or, et sur lequel un individu, revêtu d'une robe de soie jaune brodée de monstres verts, était assis. Un voile d'épaisse soie violette cachait son visage. À ses pieds, plusieurs jeunes Chinois richement vêtus faisaient brûler des bâtons d'encens. Ikoteruka fut jeté sur le sable, devant le trône, et ceux qui venaient de le porter se prosternèrent immédiatement face contre terre. Une minute peut-être s'écoula. Puis arriva Heng précédant une troupe de Chinois qui avaient chacun sur l'épaule une des caissettes d'argent. Heng, après s'être prosterné devant l'homme au voile violet, fit ranger les caissettes devant son trône, les compta et frappa dans ses mains. Les célestes qui venaient d'apporter les caissettes quittèrent immédiatement la grotte. « Je t'apporte le butin annoncé, ô maître sans nom, » prononça Heng, agenouillé sur le sable devant le trône de lac. Et voici aussi l'immonde pourceau qui tenta, dans son ignorance, de s'opposer au dessein de tes indignes serviteurs. Heng attend que tu daignes manifester ta volonté souveraine. » L'homme au voile violet ne bougea pas. Ikoteruka, qui le regardait, l'entendit souffler ces mots. « Je partirai demain avec l'argent. Que l'homme aussi soit emmené afin qu'il subisse la juste punition de son outrecuidance. et qu'il nous révèle ce qu'il a pu savoir de nous. Fais tout préparer, Heng, tu as bien travaillé. » Heng se redressa, radieux. Ayant remercié respectueusement le maître sans nom, il s'éloigna et lança un ordre aux deux Chinois qui veillaient à l'entrée de la grotte. Ikoteruka frémit.